Les formes visibles de la grande vertu émanent uniquement du Tao. Voici quelle est la nature du Tao. Il est vague, il est confus. Qu'il est confus, qu'il est vague. Au-dedans de lui, il y a des images. Qu'il est vague, qu'il est confus. Au-dedans de lui, il y a une essence spirituelle. Cette essence spirituelle est profondément vraie. Au-dedans de lui réside le témoignage infaillible de ce qu'il est. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, son nom n'a point passé. Il donne naissance à tous les êtres. Comment sais-je qu'il en est ainsi de tous les êtres? Je le sais par le Tao.